Madame Hani Bifi est écrivain, est une femme de lettres tunisienne, auteure de très nombreux ouvrages, et préside le Collège international de Tunis. Elle a écrit sur différents sujets. Je me rappelle d'un livre qui m'avait marqué, Le désenchantement national, qui était une réflexion sur, le postcolonial, l'ère des indépendances, un regard très critique. Et donc, c'est une personne qui suit, disons, les évolutions des sociétés arabes du sud de la Méditerranée, et de la Tunisie en particulier. Et donc, c'est ce regard très, très, très précis sur différents aspects de la réalité qui nous importe aujourd'hui. Donc, je suis ravi de vous accueillir, et vous allez nous parler de tradition et liberté. Donc, vous avez la parole pour à peu près 45 minutes. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. L'École nationale supérieure de Lyon était avant à Fontenay-aux-Roses. Et quand j'avais l'âge de ces jeunes gens, j'ai passé mon allégation à Fontenay-aux-Roses. Donc vous voyez que je suis contente d'être ici parce que ça me ramène un peu à des temps très très très heureux où cette crise dont vous parlez peut-être m'est couvée mais n'avait pas encore éclaté. Alors, je ne vais pas parler de manière théorique, académique, même si je suis quelqu'un qui suit totalement académique dans ma manière peut-être. Je pars toujours, quand j'écris, de ma subjectivité. Et je tente après de dégager quelque chose de général. Deux secondes, je vais sortir le micro. Ça va aller. Ah, d'accord. Je crois beaucoup à la démarche singulière parce que en fait ce n'est pas tout à fait la différence, hein, je parlerai après de la différence. La démarche singulière, c'est l'expérience, et c'est peut-être dans le singulier que se joue la vraie ressemblance de la condition humaine. C'est dans le singulier. Je vous donne juste un exemple. Vous avez fait des études de lettres. Le plus grand livre de littérature du XXe siècle, qui est La recherche du temps perdu, part d'une chose très très très subjective, très intérieure et très intime, c'est le baiser du soir. C'est le petit Marcel qui attend le baiser de sa mère. Et c'est ça qui a construit toute la cathédrale du temps perdu. C'est-à-dire la parabole du temps qui est l'œuvre littéraire la plus aboutie, la plus universelle. Donc vous voyez, on peut partir de quelque chose de très très profond et de très personnel, c'est le rôle un peu de la littérature. Et je pense aussi que peut-être c'est une manière d'échapper à tous les discours dominants dont parlait le professeur. Hein, et c'est-à-dire celui où on subit les plus fortes pressions médiatiques. Parce que comment résister finalement à ces embrigadements divers? Je pense que c'est dans un dialogue plus profond avec soi-même, sans concession, au plus près du rendu existentiel. Bien. C'est ce que j'appelle moi la mémoire du présent, c'est-à-dire le miroir du quotidien. Et je vais vous parler de la femme dans le miroir du quotidien. Vous savez que Stendhal disait que le roman, par exemple, c'est un miroir que l'on promène sur le bord du chemin. Donc c'est un peu ce miroir du quotidien, de la maison pour la femme et du monde, dont je vais essayer de vous parler. Alors, comme vous avez pu le remarquer, je suis une femme. Bon. Mais je ne vais pas vous parler en tant que femme. Je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, je n'aime pas les « en tant que ». Je n'aime pas ça. En tant que musulman, en tant que arabe, en tant que juif, en tant que chrétien, ou n'importe quoi, en tant que français, en tant que tunisienne, en tant que, etc. Ce « en tant que » n'a pas de sens pour moi. Parce qu'il réduit l'horizon de pensée. Si vous êtes dans un « en tant que », eh bien, vous êtes déjà, vous vous enfermez vous-même. D'accord ? Et pour ce qui concerne du féminin, j'ai toujours vécu avec la conviction qu'une femme n'était pas que femme. Voilà. Bon, en tant que moi, de femme, n'est pas qu'il y a, non pas du masculin en nous, parce que ça c'est banal, hein, de dire la femme, il y a du masculin, non, mais le tout de l'humain. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que la femme dit le tout de l'humain. Elle ne dit pas que le féminin. Et ça, de quelque origine qu'elle soit. Ça, c'est donc une première idée reçue que je voudrais battre en brèche, qui isole la catégorie femme du reste de la condition humaine. pour moi, évidemment, la pensée n'a pas de sexe. Ça, c'est, cela va de soi. Bien. Donc, en fait, il n'y a pas de frontière entre la femme et la condition humaine. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup les fêtes de la femme, le 8 mars. J'aime pas beaucoup ça. Je dis toujours, mais ça ressemble un peu à la société protectrice des animaux. Vous voyez, quand on dit, bon, on va protéger un jour par an la femme, tout d'un coup, on va. Ça me gêne un peu. Bon, c'est en même temps, ça peut faire avancer, mais il y a quand même quelque chose de réducteur. Alors, il n'y a pas de frontière entre la femme et la condition humaine. Il n'y a pas de frontière entre la femme occidentale, entre guillemets, parce que c'est en tant que là aussi, et la femme orientale, entre guillemets. Et c'est ce que j'appelle, et j'ai écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle Une force qui demeure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est ce que j'appelle le féminin universel, en fait. Le féminin universel. Et j'ai raconté dans Une force qui demeure une expérience qui m'avait frappée à l'âge de 18 ans. J'étais allée voir, moi j'habitais chez ma grand-mère, hein. Ma grand-mère est très traditionnelle, pieuse, croyante, dans le patio avec les femmes, vous en reparlerai. Et je suis allée voir à Paris, j'étais étudiante, une exposition sur Vermeer. Et vraiment, j'ai eu, vous savez, quand on a comme ça une expérience primum motus, quelque chose qui tout d'un coup me réveille. Et je me suis rendu compte que les femmes de Vermeer, toutes ces Hollandaises avec leur col plissé de protestantes, avec leur pichet de lait, la fameuse laitière, vous savez, tous ces tableaux que je voyais pour la première fois, pour ainsi dire, m'ont plongé dans l'univers dans lequel j'étais née. Donc c'était l'univers protestant, extrêmement éloigné de l'univers musulman, mais le féminin universel disait la même chose. C'est-à-dire la femme dans sa demeure, dans ce clair-obscur de Vermeer, avec son pichet de lait, avec ses corsages, tout ça, j'avais l'impression d'être chez moi dans ma maison et j'avais eu à ce moment-là un accès de nostalgie, j'avais envie de rentrer parce que je faisais mes études, etc. Donc c'est là que j'ai réalisé que, en fait, l'image de la femme est au-delà des représentations culturelles. Et il n'y a que dans les grandes œuvres, dans la grande peinture, ou dans le miroir du quotidien, dans votre propre expérience, que vous pouvez dénicher en quelque sorte cet universel féminin qui n'enfermerait pas la femme, soit dans le féminisme, c'est-à-dire dans un mouvement corporatiste, soit dans l'antiféminisme, c'est-à-dire un mouvement machiste. Voilà. Il faut sortir du féminisme corporatiste ou de l'antiféminisme tout aussi corporatiste. Alors l'autre idée que j'ai découvert aussi à travers la tradition, à travers la vie dans une maison traditionnelle, c'est que, par exemple, l'idée que les femmes du passé ne pensaient pas, et parce qu'elles étaient illettrées, sous prétexte qu'elles étaient illettrées. Eh bien, c'était tout à fait faux, parce que ce sont des femmes qui pensent et qui ont une grande volonté, contrairement à ce que je pense, ce ne sont pas du tout des femmes. Extérieurement, on croit qu'elles sont soumises, mais il y a chez elles tout un sens politique de l'existence qui peut-être même fait défaut à certaines femmes du monde moderne. Je ne suis pas en train de faire de la nostalgie de la tradition, hein, vous allez voir. En fait, j'avais constaté qu'elles résistaient. C'était des résistantes, en fait, sous l'apparence. Mais avec les armes qui leur étaient propres à l'époque. C'était les seules armes qu'elles avaient, elles savaient les utiliser. Et elles échappaient à la domination par d'autres formes que celle de la femme qui travaille dans la société, etc., qui sort à l'extérieur, etc. Elles étaient peut-être pas en train de travailler dans la société comme nous, vous et moi, mais en relation avec le monde. Donc vous voyez, là encore on retrouve quelque chose du monde chez la femme. Donc cette faculté de penser, de dire, elles avaient aussi un don verbal. Donc il y avait le don du récit, il y avait le don de l'analyse, il y avait le don psychologique, quand vous parliez de la conversation, cette espèce de grand art littéraire. Vous savez que la conversation, c'est l'art de la littérature française. Sans la conversation féminine au XVIIIe siècle, il n'y aurait pas eu les philosophes. Voilà. Et ce mode oral était le fait de la femme dite musulmane, entre guillemets, autant que les femmes non musulmane qui existait parce que la société coloniale ou post-coloniale était cosmopolite, elle l'est toujours, n'est-ce pas? Donc je croisais chez moi. Et je réalisais qu'en fait, elles n'étaient peut-être pas dans la société comme moi, parce que moi déjà je travaillais, etc., etc., mais elles étaient au centre des grands rites essentiels de la vie, de la naissance et de la mort. Donc, c'est un peu ce que vous parliez, là, la féminisation, etc. Donc, en fait, le monde domestique est un monde politique, depuis toujours. Et ce serait vaniteux de nous, de notre part, de croire que nous seuls, nous sommes mis à penser. Il y a une vanité comme ça de la femme intellectuelle, de la femme moderne, qui croit qu'elle seule pense. Non, nos ancêtres pensaient, avec une acuité et une intelligence prodigieuses, souvent quelquefois supérieures à la nôtre sur certains points. Mais vous savez que ça, c'est le fait de la condition inférieure en général. J'ai remarqué que les gens de condition inférieure étaient souvent, avaient un surcroît d'intelligence par rapport aux conditions supérieures. Pas seulement les femmes, j'ai remarqué. Parce que moi, je vis dans un milieu, dans la Médina, donc toujours dans un milieu très populaire, avec des gens de condition, entre guillemets, inférieures. Eh bien, j'ai remarqué que souvent, les gens de condition inférieure sont... Peut-être parce qu'ils sont inférieurs, ils ont besoin d'être plus intelligents, alors que les gens qui se croient supérieurs s'assoient sur cette supériorité et deviennent un peu bêtes au bout d'un certain temps. Il y a une sorte de débilité qui s'installe dans les élites. Et c'est peut-être ça. Non, mais je vous assure, je fais partie de l'élite, donc je le dis. Je crois qu'il y a dans les élites, et d'ailleurs on peut rejoindre la question politique chez nous, les élites ont toujours été plus faibles dans leur pensée humaine que le peuple. Parce qu'ils sont, ils sont supérieurs, donc ils n'ont plus... Un peu comme les nobles d'avant, qui dégénéraient, etc. Donc voilà, il y a une sorte de forme de supériorité qui fait que... bien aujourd'hui, les églises ne comprennent pas du tout ce qui se passe dans la rue en France. Et ça vient de cette posture, voilà, de supériorité. Donc voilà, il faut être en empathie avec les conditions inférieures, même quand on n'y est pas, et se mettre soi-même dans, pour avoir ce surcroît d'intelligence que notre posture intellectuelle supérieure on peut être privé. Donc, je crois que les femmes émancipées donc, sont aussi le fruit de cette résistance millénaire des conditions inférieures de la femme. On est le fruit d'une résistance millénaire. On n'est pas devenu libre comme ça, du jour au lendemain, ça c'est pas vrai. C'est ce que j'appelle moi alors, pour reprendre votre mot, la généalogie de la femme. En fait, je n'aime pas l'identité de la femme, par exemple. Hein, le mot identité, là encore, on va en parler, est un mot prison. La généalogie, non. Parce que la généalogie, c'est en quelque sorte l'histoire vivante qui se transmet. C'est la transmission de ma grand-mère, puis de moi, etc. Et tout ça. Et moi, avec ma petite-fille, je fais exactement comme ma grand-mère. Je transmets. Et cette généalogie-là, vous savez, c'est Georges Sand, un des plus grands auteurs de littérature française, je vous conseille de la lire. Si vous faites des études sur les femmes, vous ne pouvez pas ne pas lire l'histoire de ma vie. Parce que Georges Sand explique à quel point sa généalogie, sa grand-mère aristocratique et sa mère d'origine populaire se sont imbriquées en elle. Elle explique que c'est un romancier très populaire, mais en même temps avec une langue extrêmement aristocratique. Et elle dit qu'elle ne serait pas là s'il n'y avait pas eu cette double généalogie, elle ne serait pas ce qu'elle est. Et toutes. Il faut qu'on interroge comme ça notre ce chemin d'où l'on vient, non pas pour s'y enfermer justement, mais pour voir l'horizon. Le problème de l'identité, c'est que elle vous poste à l'origine. Mais non, le problème de la culture, c'est pas l'origine, c'est là où on va. C'est le chemin de l'origine vers l'horizon. C'est tout ça la culture. C'est donc vers où l'on va. Et là, alors on va entrer dans cette quand j'ai parlé tout à l'heure de la faculté de penser de la femme, on va aborder évidemment la question de l'égalité là, puisque avant on croyait que les femmes ne pensaient pas, qu'elles étaient bêtes et que c'est avec les hommes qui étaient, etc., parce qu'ils avaient des fonctions, etc., dans la société. L'égalité. Alors il y a une expression très à la mode qui est l'égalité des sexes. Bien. On peut s'interroger sur ce que ça veut dire. Je ne suis pas sûre que ça veuille dire quelque chose, personnellement, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Par contre, il y a une expression très belle et très peu connue, qui n'est pas l'égalité des sexes, et qui a été énoncée par Condorcet dans ses grands livres sur l'instruction publique, des livres admirables hein, aussi sur la femme. Et il parle de l'égalité des esprits, en parlant de l'école. Il dit que c'est ça, en fait. le secret, c'est pas l'égalité des sexes. Moi, je sais pas changer une roue de voiture. Hein. Voilà, je vous dis tout de suite. Je suis incapable de changer une roue de voiture. Donc, je sais pas si l'égalité des sexes a un sens. Hein. Par contre, l'égalité des esprits, donc le rapport à la langue, le rapport à la lecture, le don verbal des femmes, n'est-ce pas? J'ai passé mon enfance à écouter toutes ces générations de femmes et d'hommes qui cohabitaient, et j'ai tout de suite perçu qu'il y avait une égalité spirituelle et mentale entre les hommes et les femmes. Et qu'il y avait même peut-être chez la femme une supériorité verbale, encore une fois, due à ce que je vous ai dit, à son statut d'infériorité. Donc, si vous voulez penser le féminin aujourd'hui, ce n'est pas seulement lutter contre les préjugés anciens, bien sûr, c'est ce qu'on fait, mais contre ceux de notre temps. Parce que chaque époque a ses propres clichés, ses propres stéréotypes et ses propres préjugés. Et ses propres automatismes. Et c'est dans cela qu'il faut toujours interroger son expérience singulière. Alors, le terme « femme musulmane » est un mot, puisque c'est de cela aussi ce qu'il s'agit quand même, ça c'était une propédeutique à la question, est un mot assez problématique. Comme s'il y avait d'un côté donc, les femmes musulmanes et les femmes non musulmanes. C'est un cliché dont je vais essayer de parler. Donc, ce qui signifierait que quand on est, comme moi, d'origine musulmane, on est fiché musulman. Et on se retrouve dans des énoncés, par exemple, tels que « les musulmans et l'Occident ». Partout. Vous ne voyez jamais « les musulmans et les chrétiens ». Vous voyez « les musulmans et l'Occident ». Comme si on ne pouvait pas être musulman et occidental en même temps. Ça m'a toujours un peu... Parce qu'on est aussi... C'est ça le problème. On est musulman et occidental. On ne parle pas « les musulmans et l'Occident ». Bien. Donc, the question qu'on dirait... That is the question qu'on dirait en net. Être ou ne pas être musulman. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on dit vous êtes musulman? Alors, vous êtes ou vous n'êtes pas? Vous posez la question. Eh bien, moi, j'ai une réponse. Je suis et je ne suis pas. Voilà. Je suis et je ne suis pas en même temps. Et j'ai toujours vécu ce « je suis et je ne suis pas » comme une stimulation, en fait. C'est-à-dire... d'appartenir à l'espace musulman, d'appartenir au peuple musulman, disons en gros, et en même temps, d'habiter le cœur du temps moderne. Par soit les œuvres que je lisais, soit les rencontres que je faisais, soit les voyages, etc. etc. Donc, je suis et je ne suis pas. Voilà. Et ce double temps en moi me paraît primordial, cette dualité. Parce qu'elle n'est pas que mienne. On peut la laisser, on peut faire une anthropologie et faire des descriptions duelles comme ça, du duo qui est en nous, ce dialogue permanent de « je suis et je ne suis pas ». Et ça donne une très grande flexibilité pour vivre les paradoxes, par exemple, d'aujourd'hui. Et en plus, ça donne de l'énergie. Voilà. Chaque fois que je passe de l'un à l'autre, je me sens, en quelque sorte, je m'élève au-dessus des deux, justement, identités, et j'entre dans une troisième dimension. Donc je suis toujours entre deux pôles, mais toujours avec une dynamique de dépassement de ces deux pôles. Et c'est ça la liberté finalement. C'est le sens même, vous avez parlé de liberté, c'est ça le sens de la liberté. C'est d'aller, de venir et puis de sortir. Donc je ne connais pas beaucoup, je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une grande mélancolie, vous avez appelé ça la crise, etc. Il y a un état mélancolique qui peut conduire à la violence idéologique. C'est ça le problème. C'est qu'au fond de cette violence idéologique, ils sont violents. Oui, mais au fond, il y a un état de mélancolie profonde entre je suis et je ne suis pas. Et quand on ne peut pas le résoudre pour soi, c'est pour ça qu'il faut toujours résoudre pour soi les choses. C'est toujours un travail sur soi. Eh bien, on sort de la problématique de la violence. On n'a pas besoin de l'affirmer, d'être déchiré en quelque sorte, si on arrive à surmonter le déchirement. Donc, je crois que nous sommes de plus en plus nombreux, et professeur Akram, je crois, fait partie de, et puis d'autres amis, et puis beaucoup de gens maintenant, de l'élite ou pas de l'élite, hein, peu importe, sont capables de vivre philosophiquement la tradition et la modernité. Et c'est ça notre enjeu, en fait. C'est de les vivre dans le même élan intellectuel. De ne pas avoir à choisir, de ne pas avoir à exclure, de ne pas avoir à... C'est les imbriquer dans une nouvelle dimension de notre être. En fait, ce sont deux vases communicants, vous savez, dont le flux permanent nous nourrit. Voilà, c'est notre nourriture intellectuelle. Et c'est ma recette un peu à moi pour ne pas tomber dans le piège d'un côté du dogme religieux et de l'autre des clichés de la femme moderne. Parce qu'il y a aussi des stéréotypes, vous savez, de la femme moderne. Il y en a beaucoup. Vous ouvrez n'importe quel magazine féminin, vous allez voir le nombre de stéréotypes qu'il y a par rapport à de la modernité, qui sont presque aussi effrayants que les stéréotypes de la tradition. J'en prendrai qu'un au hasard comme ça, c'est l'âge. Le fait de la femme moderne ne veut plus vieillir. Elle ne peut plus vieillir. C'est pas qu'elle ne veut plus vieillir, c'est qu'elle ne peut plus, parce qu'elle est coupable de vieillir. Et donc, elle passe son temps à aller se faire je sais pas quoi, d'accord, pour rester jeune. C'est-à-dire, au fond, pourquoi ? Pour redevenir dans la servitude de l'homme. Parce qu'elle s'imagine qu'en perdant sa séduction à un certain âge, elle ne va plus être capable de séduire. Donc, il y a une sorte d'asservissement de la femme moderne à l'âge et à la culpabilité de vieillir. Alors, certes, chez les musulmanes, entre guillemets, elles sont coupables quand elles sont jeunes, parce qu'elles seraient coupables de perdre leur virginité. Bon. Mais chez la femme non musulmane, eh bien, elles sont coupables de vieillir. Elles n'ont plus le droit de vieillir, elles sont des objets de rebut. Alors elles font tout pour masquer et fabriquer en quelque sorte une image qui est totalement asservissante, qui est une image de nouvelle esclave de la séduction. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Voilà, et ça me frappe beaucoup. Et ça, c'est dans les magazines féminins. Hein. Vous avez mille manières de ne pas vieillir. Il ne faut pas suivre ça. De toute façon, vous êtes jeune, vous n'avez pas le temps. Vous avez le temps. Hein. Donc ça, c'est la clé de ma liberté. Et je pense que dans cette dualité, donc dans ce double temps que gît l'humanité de la femme. Mais alors vous allez me dire, si c'est si facile de surmonter ces paradoxes, en quelque sorte, pourquoi ces conflits? Pourquoi ces frontières et ces guerres? Pourquoi, par exemple, la guerre civile du voile, ce que j'appelle la guerre, moi, civile du voile? Pourquoi? Alors, peut-être que le féminin, dans toutes les époques, révèle de manière aiguë, plus intense, plus douloureuse, le malaise de l'époque. C'est vrai que c'est sur la femme que se cristallisent le plus les souffrances du temps. À chaque époque, c'était la femme qui en elle, en fait, absorbée de manière plus charnelle, plus profonde, plus intense, les malheurs de son temps. Ça, c'est vrai que c'est peut-être lié à la condition féminine. Donc, et on le voit aujourd'hui, puisque la femme est devenue un enjeu dramatique entre deux mots dont vous parliez, qui sont tombés dans une incompréhension mortelle, fatale. Voilà. Alors, par exemple, comment surmonter le fait que le radicalisme religieux, ou ce que vous avez appelé, d'autres mots que vous avez utilisés, se sert de la femme comme d'un étendard ultra visible, le voile féminin par exemple. Je ne veux pas dire que porter un voile, c'est une adhésion à une idée extrémiste. Ça, j'ai fait assort à cette idée dans mon livre Islam Pride, derrière le voile. Donc, la plupart du temps, c'est un choix tout à fait personnel et pacifique, et je le montrerai. Et même une affaire de bien-être, quelquefois. Et donc, mais pourquoi le radicalisme religieux se sert de cet étendard ultra visible? Parce que ça crée une séparation. Ça crée une séparation très intéressante et très inquiétante en même temps entre les musulmans et l'Occident. Bon. Mais en réalité, ce que ne voient pas les Occidentaux, moi, je suis occidentale, mais je ne suis pas occidentale. Vous voyez, je suis pas musulman, je suis pas occidentale. C'est qu'en fait, le voile est une affirmation moderne de soi. Ça n'est pas. C'est calqué sur les conduites hyper individuelles de notre temps. C'est calqué. Ce n'est pas un symbole simplement d'archaïsme. C'est un signe post-moderne d'exhibition de sa croyance. Ça fait partie en quelque sorte du climat idéologique de l'époque où chaque individu s'arroge le droit de montrer ce en quoi il croit, ses prédilections sexuelles, ses choix culinaires, ses tatouages. Il y a toute une forme d'exhibition de l'intime aujourd'hui Eh bien, le voile est aussi, si vous voulez, dans cette lignée postmoderne d'exhibition de l'intime, donc d'exhibition de sa croyance. Donc, alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien et c'est pas bien. Parce que, si vous voulez, il y a là ce mouvement-là de visibilité excessive est une forme de sacraliser son identité qu'on croit libératoire. C'est-à-dire qu'on sacralise en fait son être, mais en fait on s'asservit. Et ces sentiments de sacralisation de soi, qu'ils soient religieux ou anti-religieux, n'est-ce pas, sont devenus des leviers artificiels de foule qui s'embrasent facilement parce que ils sont portés par le média. Le média introduit l'illusion de notre propre puissance identitaire. C'est-à-dire qu'on croit que plus on va être visible sur les écrans, et plus on va exister, plus notre foi va être profonde. Ce qui est aussi une manière, en quelque sorte, le faire valoir disqualifie la valeur. C'est-à-dire faire trop valoir sa croyance, quelque part disqualifie la croyance. Parce que ce qu'il y a de plus profond n'a pas besoin finalement de trop se montrer. Vous voyez, donc, voilà. Ça, on est donc tous prisonniers de, malheureusement, de ces nouveaux despotismes rampants de notre époque qui tiennent dans la force, la résonance mondiale du message que porte le média, de la communication, et son rayon de diffusion. Parce que vous savez, le média, peu importe le contenu pour un média, hein, un média, ce qui compte, c'est jusqu'où va aller le message et combien de gens il va toucher. Donc c'est la résonance qui compte, c'est le retentissement. Plus il retentit, et plus, même s'il n'y a pas de contenu. Hein, donc, voilà. Donc, on est maintenant gagné par cette volonté de puissance que porte notre identité, sans qu'on s'en rende compte, et que les autres ressentent comme une menace, et vice-versa. Donc, ce n'est pas l'identité qui est une menace en soi. C'est, comment dire, le désir de puissance qui est contenu dans cette identité. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette histoire de quête identitaire ou de crise identitaire dont vous avez parlé, ces états d'âme culturels et, par exemple, ce qu'on appelle le respect des différences. Il faut bien réfléchir là-dessus. J'ai mis du temps, vous savez. Bon, j'ai fait tout un livre sur ça qui s'appelle l'imposture culturelle parce que ça m'a toujours gênée. J'ai travaillé à l'UNESCO et je me suis rendu compte que les gens parlaient le respect des différences. Mais qu'en fait, d'abord, on tombait dans une grande indifférence. Quand il y a trop de différences, on tombe dans l'indifférence. Hein, ça, c'est sûr. Mais surtout, j'ai remarqué que le culte de la différence, en fait, c'est souvent l'idée cachée de sa supériorité, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas du tout le respect de la différence de l'autre, c'est au contraire le sentiment caché qu'on ne veut pas montrer de sa supériorité et le penchant à faire triompher, si vous voulez, ou sa religion, ou sacrée, ou profane, parce qu'il y a des idéologies, des croyances, soit sa croyance, si vous voulez, monothéiste, soit une idéologie profane, politique, etc. Donc, moi, je dis toujours que derrière l'affirmation de la différence, je pense que se dissimulent des appétits de pouvoir. Moi, derrière le mot identité, je vois toujours le mot pouvoir. Je crois que c'est une construction politique, une stratégie de conquête du pouvoir, d'identité. Il faut voir comment ça fonctionne. Et de ce fait, d'ailleurs, toutes les identités se ressemblent. Voilà. Et elles finissent toutes par les mêmes méthodes de la violence. Donc en fait, elles se ressemblent profondément. En fait, elles sont différentes, mais elles se mettent d'accord que c'est la violence qui va résoudre les problèmes entre eux. Donc elles ne sont pas du tout différentes, en fait. Donc, voilà. Encore une fois, c'est le média qui introduit dans la différence une tentation de mondialité. Voilà. On est maintenant, toute culture se veut, se croit ou se désire mondial. Il y a un désir de mondialité propre à l'affirmation de soi. Et c'est ce que j'appelle non pas l'expression des différences, mais l'oppression des différences. Mais alors, ici, on est entré dans une période très intéressante et très inquiétante, encore une fois. Dans cette exaltation de soi où chacun des deux camps se croit en péril, n'est-ce pas? on remarque le retour de pendule en fait de l'histoire. À savoir que la peur d'être dominé a changé de camp aujourd'hui. C'est ça la question fondamentale que là, pour le coup, l'Occident est en train de vivre et ne comprend pas comment il va la résoudre, comme vous avez dit. La peur d'être dominé a changé de camp, elle est passée du côté des Occidentaux. Et là, j'ai derrière moi la fresque de la colonisation. Hein. Bon. Donc, avant, elle était du côté des colonisés, en gros, des musulmans, en gros, ou bien des décolonisés, des non-occidentaux. C'était eux qui avaient, en quelque sorte, la peur d'être dominés. Mais le fait nouveau, c'est qu'il y a une inversion de la perception de la domination. Et les occidentaux se retrouvent en position de réaction et de défense. Et les autres, en position de puissance et d'agressivité. Donc il y a vraiment une inversion des rôles incroyable dans l'histoire, après ces 50 années de décolonisation, voyez, post-coloniale. Et je crois que ce rapport finalement inversé, de domination inversée, c'est dans ce rapport de domination inversée que réside le désarroi, par exemple, les intellectuels comme nous, les universitaires, les politiques, qui veulent créer des passerelles absolument, et des passages et qui n'y arrivent pas. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas compris que, en fait, l'ancien rapport dominé-dominant a changé complètement. Et ce qui fait que la plupart, beaucoup d'intellectuels basculent dans l'un ou l'autre camp. Vous avez tout le camp anti-musulman en France, et puis tout le camp anti... Donc, parce qu'ils n'arrivent plus à comprendre que, en fait, la domination, la peur de la domination a changé de camp. Donc, on vit dans une sorte de renversement historique de la colonisation, et c'est la société moderne, ou la modernité, ou postmoderne, ou occidentale, qui veut se décoloniser, maintenant. C'est ça le problème. On est dans tous les mouvements que je vois, tous les groupes, beaucoup de Français en particulier, pensent qu'ils sont colonisés, quoi. Et donc, ils mettent en place toute... Ils voient une montée en puissance réelle, d'ailleurs, qui n'est pas forcément religieuse, hein, qui est politique, alors que c'est en fait le système de communication en Occident qui donne à l'islam, par exemple, son plus grand rayon d'extension. Donc, il y a cette ambiguïté, à la fois en lutte, on est en état de défense, mais en même temps, on donne à celui que l'on croit qui veut nous coloniser un très grand moyen de puissance. C'est très intéressant. Mais le problème, c'est que le discours de défense de sa civilisation ne marche plus. La civilisation, entre guillemets. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que le mot civilisation traduisait une position de force, autrefois. Et donc, elle accompagnait une puissance d'extension et de conquête. La civilisation, c'était ce qui avait cette espèce de capacité d'occuper, d'exploiter, de conquérir le monde. Bon. Or maintenant, elle n'est plus en position offensive, elle est en position défensive. Donc le mot de civilisation ne fonctionne plus non plus. J'ai remarqué que c'est un mot qui s'est asséché, qui n'était valable que dans les périodes de conquête. Mais dans les périodes de défense, il ne marche pas. Donc, ceux qui se pensent colonisés n'ont pas trouvé leur discours de résistance. Ils n'ont pas encore trouvé la justesse d'un vrai discours de résistance. Alors, ils essayent d'actionner des clés de lutte, par exemple, contre le fascisme, de lutte historique contre le fascisme historique, ou contre le nazisme. Ils veulent assimiler, en quelque sorte, le monde musulman à une nouvelle forme de fascisme. Par certains côtés, c'est pas fou, mais c'est pas le fascisme de la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a rien à voir. Donc, ils n'ont pas les clés pour résoudre ce problème. Parce que le totalitarisme, entre guillemets, qui pointe aujourd'hui, religieux, n'est pas le fascisme de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Pour une raison très simple. Le fascisme, c'était une création européenne, purement européenne. C'était l'ogre, le monstre, qui dévorait sa propre culture. Le fascisme est né dans l'antre européenne. Tandis que l'islamisme, entre guillemets, ou ce qu'on appelle tel, porte une autre généalogie, comme j'ai dit. Donc, la puissance de cette altérité devient très forte. Donc on peut pas. Le fascisme, c'était une création européenne. L'islamisme, c'est autre chose. Et on n'a pas encore les outils pour déchiffrer et déconstruire cette altérité. Parce qu'il se pose comme un nouvel humanisme. Alors, allez discuter. Un nouvel humanisme sur les ruines de l'ancien. Donc, c'est plus compliqué. Alors, là, on va revenir à l'illustration de la femme. Comment ce que je viens de dire peut s'illustrer à travers donc la généalogie féminine. Ce qui est nouveau, si vous voulez, par rapport au rapport justement dominé-dominant dont je parlais, c'est que la femme qui revendique le retour d'usages, de rites, d'habits, dont elle s'était émancipée dans une guerre, hein, n'est-ce pas, d'émancipation des années 50, contre le dogme religieux, contre l'oppression religieuse, eh bien, maintenant, ce qui est déstabilisant, c'est que elles ont assimilé en fait les idées de liberté et les appliquent selon un nouveau vouloir être. Par exemple, les femmes qui se voient ne se voient pas par soumission. Là, on fait une erreur encore dominant-dominé. C'est un autre vouloir être qui se met en place que celui du féminisme classique. Le féminisme classique, lutter contre l'inégalité des sexes, l'inégalité des esprits. Et par contre, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que la religion s'accompagne d'un indice nouveau de liberté. C'est pas la religion. Vous savez que l'idée de liberté est née contre la religion dans l'histoire européenne. Les gens sont devenus de plus en plus libres et de moins en moins croyants. D'accord? C'est ça en gros, hein, je schématise un peu. Mais là, c'est différent, puisque on se convertit en quelque sorte à quelque chose qui nous libère. On se convertit au mode religieux, et ce mode religieux apparaît comme libératoire, et non pas comme aliénant. Donc, et contre quoi? Eh bien, contre une modernité qui m'opprime. C'est-à-dire que c'est la modernité aujourd'hui qui est ressentie comme oppressive. Et ça, c'est très important, parce que si on ne fait pas une critique de la modernité, on ne comprend pas pourquoi il y a ce besoin de se libérer de la modernité en se fixant dans des usages, etc. Donc, mais il y a la modernité est vécue comme une oppression par beaucoup de gens. Donc, il est là le nouveau trouble, si vous voulez, de la civilisation. Et la femme échappe ici au schéma intellectuel de la domination, car elle est l'auteur de son nouveau statut de religiosité. Elle le fait en affirmant son autorité, auteur d'elle-même, autorité dans ce choix. Donc, ces nouvelles manières d'être au monde de la liberté, eh bien, les féministes butent dessus. Les féministes n'arrivent pas à comprendre ces nouvelles manières d'être au monde. Elles sont déroutantes, mais notre rôle, moi, je peux très bien critiquer le roi, mais je n'ai pas de problème. Mais je ne peux pas juger celle qui le porte parce que je sais qu'il y a là une démarche dans un contexte très général qui n'est plus de l'ordre de la soumission et de la domination, qui est autre chose. Voilà. Alors c'est ça qu'il faut interroger, si vous voulez. Il ne faut pas plaquer donc un schéma de libération périmé. Et le fait de se servir de son libre arbitre pour refuser les acquis de liberté sexuelle que la femme moderne a acquis, a gagné, et les subvertir par de nouvelles manières d'être, par exemple la dissimulation excessive du corps, après des siècles de lutte pour libérer les corsages, pour enlever les étoffes, pour arracher les mantilles, tout ça c'était dans la chrétienté, il a fallu des siècles pour que les femmes enlèvent les grandes robes à jupons et mettent s'habillent comme ça, George Sand. Elle a porté un costume d'homme du 19e siècle. Elle sortait à Paris, elle dit non, ces robes-là, ça ne va pas, dans Paris, à boue, etc. Elle a acheté des bottes d'homme, elle a acheté un costume d'homme, elle a mis une redingote d'homme, et puis elle fumait comme un homme, et elle avait aussi un chapeau d'homme. Donc, on croyait que c'était un jeune homme, d'ailleurs, quand elle était pas que c'était une femme, elle était très jeune. Donc, bon, alors, tout ça, les femmes, quand même, elles ont lutté pour gagner, l'innocence de leur dignité, c'est-à-dire le fait. On n'est pas pécheresse parce qu'on montre son corps. Bon, elles ont lutté pour ça. Mais maintenant, elles revendiquent volontairement de se couvrir. C'est-à-dire que quelque part, on se dit, mais est-ce qu'elles ne sont pas en train de revendiquer la nature pécheresse de la femme? C'est-à-dire une certaine culpabilité, ou bien sa diablerie naturelle, ou sa diablerie charnelle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même de l'ordre de la culpabilité? Mais moi, je crois que c'est plutôt lié au fait que la liberté a atteint un tel degré aujourd'hui de revendication qu'elle veut encore aller plus loin et que la liberté peut revendiquer le droit de se remettre en cause elle-même. C'est-à-dire que la liberté édicte le droit encore supérieur à ne plus être libre. C'est là où il y a quand même à la fois un danger, mais qu'il faut comprendre, n'est-ce pas ? La liberté s'autorise de sa propre négation. C'est une sorte de liberté absolue qui dit « oui, mais d'accord, mais moi, je suis libre de dire que je ne veux pas être libre. » Par exemple, n'est-ce pas ? C'est un exemple que je donne. Donc, on ne peut pas combattre ce phénomène avec les outils du féminisme classique. Voilà. Là, les gens parlent de régression. Il y a beaucoup le mot qui revient, on est dans une période de régression, c'est vrai. Toutes ces revendications culturelles sont régressives. La revendication religieuse étant la plus absolue. La différence culturelle, c'est la régression la plus absolue. Et d'une certaine manière, il y a une réflexion qu'il faut absolument faire, mais ça j'ouvre une parenthèse, par rapport à la légitimité de la revendication culturelle. Je crois qu'il y a une confusion que les modernes font, que j'ai découvert comme ça en travaillant un peu, en réfléchissant, en regardant les gens, c'est la confusion entre personnalité culturelle et sens moral. Je veux dire, personnalité morale, c'est-à-dire qu'en fait, la personnalité culturelle n'a rien à voir avec le sens moral. En fait. Je vous donne un exemple très simple. La mafia. Bon, de la mafia. Ben, les gens, les membres de la mafia ont une personnalité culturelle très, très, très forte et un très faible sens moral. Donc, on ne peut pas, il faut pas confondre, ce sont deux ordres différents. L'ordre culturel et l'ordre moral, ce sont deux ordres différents. On peut par exemple porter un voile virginal, en quelque sorte, et avoir une vie sexuelle débridée. Voilà. Là, on rentre dans le système de l'hypocrisie, etc. De l'hypocrisie morale. Bon, moi, alors certains parlent de régression morale de la liberté, dans ce nouveau désir d'identité religieuse, d'autres y voient au contraire un progrès. Alors, question que je vous pose, vous y réfléchirez, est-ce que le droit culturel est un progrès en soi ou un recul? C'est quoi le droit culturel? Est-ce que c'est un droit de l'homme, le droit culturel, ou est-ce que c'est une négation des droits naturels de l'homme? Vous savez, égalité, liberté, fraternité, ce sont définis, en tout cas dans la déclaration de 1789 et même dans toutes les déclarations universelles, comme des droits naturels de l'homme. C'est-à-dire qu'ils sont au-delà de toute ethnie, de toute nation, de toute race, de toute religion, de toute espèce. Alors, est-ce que, à quel moment, les droits culturels entrent-ils en conflit avec les droits de l'homme? C'est une question très difficile, vous savez. C'est un casse-tête. Donc, à la question de dire est-ce un progrès le droit culturel ou une régression, c'est très difficile encore de répondre. Parce que, si vous voulez, on est entré dans cette illusion que ce que me dicte ma culture est devenu un droit suprême. Voilà. C'est un droit suprême qu'aucune morale, ni règle, ni loi ne peut réprimer. Là, vous savez que vous faites des études de droit en plus, je ne sais pas, mais la loi, il n'y a pas de droit sans contrainte. Il n'y a pas de droit sans borne. Il n'y a pas de droit sans limite. Et un droit sans limite devient un appétit déguisé de la force. Donc, ça peut être une dérive très fâcheuse, des droits culturels limités, sans limite, etc., où il n'y a pas de code civil. Le droit est régi par un code civil. Mais quel code civil régit le droit culturel? Jusqu'où on peut aller? Par exemple, les droits de la femme, okay, sont-ils des droits culturellement sexués? Voilà. Jusqu'où on peut aller Et alors, comment se résout la question que je posais au début, la question de l'appartenance de la femme à la condition humaine en tant qu'elle? C'est quoi le droit culturel, sexué de la femme, etc. Les droits de la femme doivent-ils être attachés à son sexe ou bien détachés de son sexe? Ou les deux? Quand est-ce que la femme est plus humaine? Quand elle parle au nom de la condition humaine, c'est-à-dire en tant qu'être humain, ou quand elle parle au nom des droits féminins? Les droits féminins sont-ils aussi sans limite? Vous voyez, on entre là dans toute une... Et là, j'aimerais mettre en correspondance quelque chose qui peut-être n'a pas encore été mis en correspondance. C'est ce que j'appelle les suffragettes du voile. Moi, je les appelle les suffragettes du voile, puisque c'est un phénomène moderne. Donc, les nouvelles conduites religieuses. Avec le néo-féminisme actuel, et qui est en train de déclarer alors une guerre sans merci. C'est ce qu'on a appelé, vous savez, le féminisme illibéral. C'est-à-dire, tous ces mouvements-là de dénonciation, de réquisitoire contre le sexe masculin, etc., balance ton porc, toutes ces expressions qui font un peu peur, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose quand même d'assez effrayant là-dedans. Eh bien, entre ces deux mouvements, les suffragettes du voile, c'est-à-dire l'extrême pudeur, et les néo-féministes, ces nouvelles puritaines, parce que c'est un nouveau puritanisme, au fond, ce néo-féminisme, cette espèce de pudibonderie qui se répand avec le retour d'un côté des interdits religieux et qui font du sexe une source encore de sanctions et de châtiments. Mais là, cette fois-ci, le châtiment, c'est pour les hommes, si vous voulez, voilà. Mais, si vous voulez... Chez les musulmans, dans la tradition, le péché, c'est celui de la femme. Mais pour les néo-féministes, le péché, c'est les hommes. Voilà. En fait, on est exactement c'est l'envers et l'endroit de la même médaille. C'est-à-dire, ce ne sont plus les femmes qui sont coupables. Les femmes ne sont plus du tout coupables sur Terre. Ce sont les hommes. Voilà, ils sont coupables. Donc, je dirais que la culpabilité originelle de l'homme en tant que sexe masculin est l'autre versant de la culpabilité originelle de la femme. C'est la même chose. Dans l'un, si vous voulez, il y a sa fameuse expression « cacher ce sein que je ne saurais voir », n'est-ce pas, de Tartuffe. Et de l'autre, il y a Tartuffette qui dit « cacher ce sexe que je ne saurais voir ». C'est la même chose pour moi. Ce sont deux formes de puritanisme moderne qui envahissent les médias. Bon, c'est mon point de vue. Mais je crois que chacun de ces deux camps perd de vue l'humanité de la femme. C'est-à-dire, au fond, sa capacité que j'ai définie au début, qui est de dire le tout de l'humain. C'est-à-dire qu'une femme est toujours au-delà de son sexe. Voilà. Pour moi, toute femme n'est pas que femme. Elle est plus qu'une femme. Et en fait, toujours, et c'est là que ça, c'est la tradition qui me l'a appris, c'est les femmes que j'ai observées. La femme existe dans cette faculté qui lui est propre de refaire sans cesse place à l'humain, à la souveraineté de l'humain. La femme reconstituait l'humain, même quand elle était dominée, même quand elle était absente, elle avait cette capacité de faire rayonner la vie et de reconstituer l'intégrité de l'humain, en elle et autour d'elle. Et je dis, j'ai une phrase que j'écris dans Une force qui demeure, que j'aime bien, je vous la cite. L'autre de la femme, c'est-à-dire la femme a le sens de l'altérité, c'est-à-dire l'homme, en fait. La femme a un profond sens de l'altérité. L'autre de la femme est la vertu cardinale de la femme. Et je dis aussi, la grandeur de la femme ne doit pas se construire sur la misère de l'homme. Il faut qu'on sorte, il faut absolument sortir. Les jeunes générations sortent de là, de ça. Parce que pour moi, un féminisme qui enferme la femme dans une communauté séparée est oppressif, non pas pour les hommes, mais pour les femmes. Donc, les femmes qui croient n'être que les représentantes de leur sexe manquent l'essentiel de leur être. La femme doit dire non pas son identité féminine, mais son humanité féminine. L'identité de la femme est sexuelle. Seule son humanité est spirituelle. Et là, je vous renvoie à l'égalité des esprits énoncée par Condorcet. Donc, si vous voulez, C'est toute cette réflexion qui m'est venue de l'observation du passé, de cette espèce d'humanité féminine liée aux femmes traditionnelles. C'est dans cette dualité que se tient l'humanité de la femme. Donc, on ne voit plus vivre cette fatalité entre l'être domestique de la femme et l'être politique comme une fatalité, mais comme sa puissance d'être, comme sa véritable énergie. Il y a chez la femme une dualité créatrice entre son être domestique, le sens que j'appelle le sens de la demeure, et son être politique, qui est le sens de sa liberté. Et elle porte en elle, en quelque sorte, avec une intensité particulière, la confrontation non résolue, encore aujourd'hui, pour les hommes et pour les femmes d'ailleurs, de la tradition et de la modernité. On est toujours dans cette confrontation. Donc, quand je dis, par exemple, des fois je dis pour m'amuser, pour un peu provoquer les gens, que je suis une femme archaïque. Je le dis un peu comme ça. Cela ne veut pas dire du tout que je sois nostalgique d'un ordre ancien, bien entendu, j'ai trop vu. Mais c'est parce que c'est cette perspective intérieure, cette archaïcité qui est en moi, qui me permet de ne pas être esclave des temps modernes aussi. Donc c'est un va-et-vient. C'est-à-dire que cette aliénation, cette domestication moderne, une très grande philosophe l'a dénoncé dans un de ses livres, c'est Simone Weil, je ne sais pas si vous l'avez lu, pas la ministre, n'est-ce pas, qui est aussi une grande dame, mais la philosophe, qui a écrit L'Enracinement, qui a décrit la condition de la femme ouvrière et l'horreur qui pèse sur ces femmes qui travaillent dans les machines, etc. Donc la domestication de la femme moderne qui fait suite à la domestication de la femme dans les champs, dans la tradition, etc. Donc, c'est pour ça que je reviens encore à « je suis, je ne suis pas ». Le fait d'appartenir au savoir, à la culture moderne. Vous êtes ici les représentants. Donc, ces outils du savoir me libèrent du poids de la religion, même des traditions, par la liberté intellectuelle de me donner un imaginaire et de leur donner un imaginaire qui m'est propre, qui ne se distingue pas d'ailleurs d'une œuvre picturale ou musicale, de Vermeer, de tout ça. L'outil intellectuel est très important pour mettre à distance cette tradition et pour en faire un tableau, exactement. Quand la tradition devient un tableau, vous n'en êtes plus prisonnier parce que vous la regardez comme une œuvre d'art. Et donc, ces tableaux résonnent en vous avec les tableaux du monde moderne. Donc, en fait, il ne faut pas réduire la tradition à la croyance religieuse. La tradition a une histoire bien plus vaste. Et d'une certaine manière, ce qui menace le plus la tradition, c'est le fanatisme religieux. C'est ce que j'appelle la cendre noire jetée sur la lumière de la tradition. Et c'est à nous, modernes, d'aller chercher la tradition. Parce que si nous ne faisons pas ce travail sur les traditions, eh bien à ce moment-là, c'est le sectarisme fondamentaliste qui va le régler et qui va s'en charger, puisqu'on l'a laissé à l'abandon. On ne doit pas négliger la tradition, on ne doit pas la laisser à l'abandon. C'est notre travail, c'est notre devoir, c'est notre mission en tant que modernes. Alors, j'ai dit en tant que, hein. Mais bon, je suis pas. Donc, il ne faut pas laisser la tradition être confisquée. Il ne faut pas laisser le passé confisqué par d'autres. Il nous appartient. Le passé appartient au monde moderne. Il ne faut pas le laisser confisqué par ceux qui en font des fixations. Donc, la question de la transmission n'est pas forcément soumission, comme j'ai dit, ou obéissance, mais, bien sûr, connaissance et mise à distance. La transmission est toujours mise à distance et connaissance. Même chose, je terminerai là-dessus, pour la distance par rapport au monde de ce que j'appelle moi l'obscurantisme moderne. Parce qu'il n'y a pas qu'un obscurantisme religieux, il y a un obscurantisme moderne. C'est le plus, et à mon avis, il devient encore plus dangereux. Il faut donc, c'est parce que j'ai en moi cette fenêtre de la tradition que je peux regarder le monde moderne avec un regard distancé et que je peux échapper aussi aux clichés, aux violences de la culture moderne. Donc, la tradition a laissé en moi un sédiment poétique, esthétique qui me permet de résister aux dérives et aux impostures du monde moderne. Et de même que le savoir moderne a déposé en moi, en quelque sorte, ce qui me permet de résister aux impostures de la tradition. Donc, j'ai toujours vécu avec, dans cette dualité créatrice, le merveilleux de la tradition et le merveilleux de la modernité. Voilà. Et ils sont en correspondance, et c'est ce qui nous empêchera d'être victimes de leurs tromperies ou de leurs artifices. Donc, il faut être capable d'aller de l'un à l'autre naturellement. Il faut s'éduquer, c'est un apprentissage, il faut le faire soi-même tout le temps. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend, on doit le mettre en perspective, le passé, le présent, en permanence. C'est un travail colossal. Hein. Quelquefois, c'est épuisant. Hein. Mais il faut le faire. Et c'est ça qui va nous protéger. Et même la colonisation, il ne faut plus la penser en termes de mutilation. C'est ça, il faut aller encore plus loin. Il faut la vivre comme une épreuve douloureuse, mais qui nous a révélé à nous-mêmes, si vous voulez, dans la modernité, et comme partie prenante d'une généalogie. Même la colonisation fait partie de notre généalogie, hommes et femmes confondus. C'était les premiers signes de la mondialisation, si j'ose dire. Voilà. La colonisation, en fait, c'était une première forme ratée de mondialisation, tout simplement. Et maintenant, il y a d'autres formes de colonisation. On ne va pas en parler là, mais qui sont encore plus dangereuses peut-être que la colonisation classique. Voilà, je vous remercie.